Chapitre 2. Votre foi au Christ vous rend-elle plus fort? Son amour vous encourage-t-il? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour et en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres, et que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que, par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tombent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, mes amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous, et il est encore plus important que vous m'obéissiez aussi maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car Dieu agit continuellement en vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni discussion, afin que vous soyez innocents et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens malhonnêtes et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur apportant le message de vie. Si vous agissez ainsi, je pourrai être fier de vous au jour du Christ. Ce sera en effet la preuve que tout mon travail et tous mes efforts n'ont pas été inutiles. Peut-être mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera-t-il ajouté comme une offrande au sacrifice que votre foi présente à Dieu? Si tel doit être le cas, j'en suis heureux et vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. J'espère dans le Seigneur Jésus pouvoir vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à partager mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité et comment il a travaillé avec moi comme un fils avec son père au service de la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation et j'ai la certitude dans le Seigneur que j'irai moi-même vous voir bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon compagnon de travail et de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désire beaucoup vous voir tous, et il est très préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, en effet, et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, pour que je n'éprouve pas une tristesse encore plus grande. Je me sens donc d'autant plus pressé de vous l'envoyer, afin que vous soyez de nouveau joyeux quand vous le verrez, et que ma propre tristesse disparaisse. Ainsi, recevez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez manifester du respect à des hommes tels que lui, car il a été prêt de mourir pour l'œuvre du Christ. Il a risqué sa vie pour m'apporter l'aide que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même.